Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Question 121. Du don de piété. Que la piété est un don du Saint-Esprit. 1. La piété est l'un don du Saint-Esprit. Isaïe a rangé la piété parmi les dons. Isaïe 11. Les dons sont des dispositions habituelles de notre âme qui nous rendent dociles au mouvement de l'Esprit Saint. Or, conformément à cette parole, vous avez reçu l'adoption filiale par laquelle nous crions, mon Père, Romains 8, 15, l'Esprit Saint produit en nous un sentiment de piété filiale qui nous fait rendre à Dieu, comme à notre Père, le culte et les hommages que nous lui devons, la piété est conséquemment un don du Saint-Esprit lui-même. Note. La piété filiale, qui honore les parents, est une vertu. La religion, qui honore Dieu comme créateur et comme maître, est une vertu supérieure à la piété filiale. Le don de piété, par lequel nous nous attachons à Dieu comme à un père, est, à son tour, supérieur à la religion. Il nous fait honorer non seulement Dieu, mais encore les saints et tous les hommes, en tant qu'ils appartiennent à Dieu. Il nous porte aussi à secourir les malheureux. Fin de la note. 2. La seconde béatitude, heureux ceux qui sont doux, correspond-elle au don de piété? La piété a bien quelque rapport avec la mansuétude, mais il semble que la quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et la cinquième, heureux les miséricordieux, lui répondent encore davantage. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.